Émile Zola, L'argent, chapitre 10. À cette fin d'année, le jour de la liquidation de décembre, la grande salle de la bourse se trouva pleine dès midi et demi, dans une extraordinaire agitation de voix et de gestes. Depuis quelques semaines, d'ailleurs, l'effervescence montait, et elle aboutissait à cette dernière journée de lutte, une cohue fiévreuse, où grondait déjà la décisive bataille qui allait s'engager. Dehors, il gelait terriblement, mais un clair soleil d'hiver pénétrait, d'un rayon oblique, par le haut vitrage, égayant tout un côté de la salle nue, aux sévères piliers, à la voûte triste, que glaçaient encore des grisailles allégoriques. Tandis que des bouches de calorifères, tout le long des arcades, soufflait une haleine tiède au milieu du courant froid des portes grillagées, continuellement battantes. Le baissier Mosé, plus inquiet et plus jaune que de coutume, se heurta contre le haussier Pierrot, arrogamment planté sur ses hautes jambes de héron. « Vous savez ce qu'on dit ?» Mais il dut élever la voix pour se faire entendre, dans le bruit croissant des conversations. Un roulement régulier, monotone, pareil à une clameur d'eau débordée, coulant sans fin. On dit que nous aurons la guerre en avril. Ça ne peut pas finir autrement avec ces armements formidables. L'Allemagne ne veut pas nous laisser le temps d'appliquer la nouvelle loi militaire que va voter la Chambre. Et d'ailleurs, Bismarck... Pierrot éclate de rire. « Fichez-moi donc la paix, vous et votre Bismarck. Moi qui vous parle, j'ai causé 5 minutes avec lui cet été quand il est venu. Il a l'air très bon garçon. Si vous n'êtes pas content après l'écrasant succès de l'exposition, que vous faut-il? Eh, mon cher, l'Europe entière est à nous !» Mosé hocha désespérément la tête. Et, en phrases que coupaient à chaque seconde les bousculades de la foule, il continua à dire ses craintes. L'état du marché était trop prospère, d'une prospérité pléthorique qui ne valait rien, pas plus que la mauvaise graisse des gens trop gras. Grâce à l'exposition, il avait poussé trop d'affaires. On s'était engoué, on en arrivait à la pure démence du jeu. Est-ce que ce n'était pas fou, par exemple, l'universel à 3030 ? « Ah, nous y voilà !» cria Pierrot. Et de tout près, en accentuant chaque syllabe, « Mon cher, on finira ce soir à 3060. Vous serez tous culbutés, c'est moi qui vous le dis. » Le baissier, facilement impressionnable pourtant, eut un petit sifflement de défi. Et il regarda en l'air pour marquer sa fausse tranquillité d'âme. Il resta un moment à examiner les quelques têtes de femmes qui se penchaient là-haut à la galerie du télégraphe, étonnées du spectacle de cette salle où elles ne pouvaient entrer. Des écussons portaient des noms de villes. Les chapiteaux et les corniches allongeaient une perspective blême que des infiltrations avaient tachée de jaune. « Tiens, c'est vous ?» reprit Mosé en baissant la tête et en reconnaissant Salmon, qui souriait devant lui, de son éternel et profond sourire. Puis, troublé, voyant dans ce sourire une approbation donnée aux renseignements de Pierrot, « Enfin, si vous savez quelque chose, dites-le. Moi, mon raisonnement est simple. Je suis avec Gundermann parce que Gundermann, n'est-ce pas? C'est Gundermann. Ça finit toujours bien avec lui. » « Mais, » dit Pierrot ricanant, « qui vous a dit que Gundermann est à la baisse ?» D'un coup, Mosé arrondit des yeux effarés. Depuis longtemps, le gros commérage de la bourse était que Gundermann guettait sa carre, qu'il nourrissait la baisse contre l'universel, en attendant d'étrangler celle-ci à quelque fin de mois d'un effort brusque, lorsque l'heure serait venue d'écraser le marché sous ses millions. Et si cette journée s'annonçait si chaude, c'était que tous croyaient, répétaient, que la bataille allait enfin être pour ce jour-là, une de ces batailles sans merci, où l'une des deux armées reste par terre, détruite. Mais est-ce qu'on n'était jamais certain dans ce monde de mensonges et de ruses? Les choses les plus sûres, les plus annoncées à l'avance, devenaient, au moindre souffle, des sujets de doute pleins d'angoisse. « Vous niez l'évidence !» murmura Mosé. « Sans doute, je n'ai pas vu les ordres et on ne peut rien affirmer. Hein, Salmon, qu'est-ce que vous en dites? Gundermann ne peut pas lâcher, que diable !» Et il ne savait que croire, devant le sourire silencieux de Salmon, qui lui semblait s'amincir d'une finesse extrême. « Ah !» reprit-il en désignant du menton un gros homme qui passait. « Si celui-là voulait parler, je ne serais pas en peine. Il voit clair. » C'était le célèbre Amadieu, qui vivait toujours sur sa réussite, dans l'affaire des mines de celle-ci. Les actions achetées à 15 francs en un coup d'entêtement imbécile, revendues plus tard avec un bénéfice d'une 15 millions, sans qu'il eût rien prévu ni calculé, au hasard. On le vénérait pour ses grandes capacités financières. Une véritable cour le suivait, en tâchant de surprendre ses moindres paroles et en jouant dans le sens qu'elles semblaient indiquer. « Bah !» s'écria Pierrot, tout à sa théorie favorite du casse-cou. « Le mieux est encore de suivre son idée, au petit bonheur. Il n'y a que la chance. On a de la chance ou l'on n'a pas de chance. Alors quoi? Il ne faut pas réfléchir. Moi, chaque fois que j'ai réfléchi, j'ai failli y rester. Tenez, tant que je verrai ce monsieur-là solide à son poste, avec son air de gaillard qui veut tout manger, j'achèterai. » D'un geste, il avait montré sa carre, qui venait d'arriver et qui s'installait à sa place habituelle contre le pilier de la première arcade de gauche. Comme tous les chefs de maison importantes, il avait ainsi une place connue, où les employés et les clients étaient certains de le trouver les jours de bourse. Gundermann, seul, affectait de ne jamais mettre les pieds dans la grande salle. Il n'y envoyait même pas un représentant officiel. Mais on y sentait une armée à lui. Il y régnait en maître absent et souverain par la légion innombrable des remisiers, des agents qui apportaient ses ordres. Sans compter ces créatures, si nombreuses, que tout homme présent était peut-être le mystérieux soldat de Gundermann. Et c'était contre cette armée insaisissable et partout agissante que luttait Sakhar, en personne, à front découvert. Derrière lui, dans l'angle du pilier, il y avait un banc, mais il ne s'y asseyait jamais, debout pendant les 2 heures du marché, comme dédaigneux de la fatigue. Parfois, aux minutes d'abandon, il s'appuyait simplement du coude à la pierre que la salissure de tous les contacts, à hauteur d'homme, avait noirci et poli. Et dans la nudité blafarde du monument, il y avait même là un détail caractéristique, cette bande de crasse luisante contre les portes, contre les murs, dans les escaliers, dans la salle. Un soubassement immonde, la sueur accumulée des générations de joueurs et de voleurs. Très élégant, très correct, ainsi que tous les boursiers, avec son drap fin et son linge éblouissant, Sakhar avait la mine aimable et reposée d'un homme sans préoccupation, au milieu de ses murs bordés de noir. « Vous savez, » dit Mosé en étouffant sa voix, qu'on l'accuse de soutenir la hausse par des achats considérables? Si l'universel joue sur ses propres actions, elle est fichue. Mais Pierrot protestait. Encore un cancan! Est-ce qu'on peut dire au juste qui vend et qui achète? Il est là pour les clients de sa maison, ce qui est bien naturel. Et il y est aussi pour son compte, car il doit jouer. Mosé, d'ailleurs, n'insista pas. Personne encore à la bourse n'aurait osé affirmer la terrible campagne menée par Sakhar. ses achats qu'il faisait pour le compte de la société, sous le couvert d'hommes de paille, Sabatini, Jean Trou, d'autres encore, surtout des employés de sa direction. Une rumeur seulement courait, chuchotée à l'oreille, démentie, toujours renaissante, quoique sans preuve possible. D'abord, il n'avait fait que soutenir les cours avec prudence, revendant dès qu'il pouvait, afin de ne pas trop immobiliser les capitaux et encombrer les caisses de titres. Mais il était maintenant entraîné par la lutte, et il avait prévu, ce jour-là, la nécessité d'achats exagérés s'il voulait rester maître du champ de bataille. Ses ordres étaient donnés, il affectait son calme souriant des jours ordinaires, malgré son incertitude sur le résultat final et le trouble qu'il éprouvait, à s'engager ainsi de plus en plus dans une voie qu'il savait être effroyablement dangereuse. Brusquement, Mosé, qui était allé rôder derrière le dos du célèbre Amadieu, en grande conférence avec un petit homme chafouin, revint très exalté, bégayant. « Je l'ai entendu, entendu de mes oreilles. Il a dit que les ordres de vente de Gundermann dépassaient 10 millions. Oh, je vends, je vends, je vendrai jusqu'à ma chemise. » 10 millions, fichtre, murmura Pierrot, la voix un peu altérée. C'est une vraie guerre au couteau. Et, dans la clameur roulante qui croissait, grossie de toutes les conversations particulières, il n'y avait plus que ce duel féroce entre Gundermann et Saccard. On ne distinguait pas les paroles, mais le bruit en était fait. C'était cela seul qui grondait si haut. L'entêtement calme et logique de l'un à vendre, l'enfièvrement de passion à toujours acheter, qu'on soupçonnait chez l'autre. Les nouvelles contradictoires qui circulaient, murmurées d'abord, finissaient par des éclats de trompette. Dès qu'ils ouvraient la bouche, les uns criaient pour se faire entendre au milieu du vacarme, tandis que d'autres, pleins de mystère, se penchaient à l'oreille de leurs interlocuteurs, parlaient très bas, même quand ils n'avaient rien à dire. « Eh, je garde mes positions à la hausse !» reprit Pillerault, déjà raffermi. « Il fait un soleil trop beau, tout va monter encore. »« Tout va crouler !» répliqua Mosé avec son obstination dolente. « La pluie n'est pas loin, j'ai eu une crise cette nuit. » Mais le sourire de Salmon, qui les écoutait à tour de rôle, devint si aigu que tous deux restèrent mécontents, sans certitude possible. Est-ce que ce diable d'homme, si extraordinairement fort, si profond et si discret, avait trouvé une troisième façon de jouer, en ne se mettant ni à la hausse, ni à la baisse? Saccard, à son pilier, voyait grossir autour de lui la cohue de ses flatteurs et de ses clients. Continuellement, des mains se tendaient, et il les serrait toutes avec la même facilité heureuse, mettant dans chaque étreinte de ses doigts une promesse de triomphe. Certains accouraient, échangeaient un mot, repartaient ravis. Beaucoup s'entêtaient, ne le lâchaient plus, glorieux d'être de son groupe. Souvent il se montrait aimable, sans se rappeler le nom des gens qui lui parlaient. Ainsi, il fallut que le capitaine Chave lui nommât Maugendre pour qu'il reconnût celui-ci. Le capitaine, remis avec son beau-frère, le poussait à vendre. Mais la poignée de main du directeur suffit à enflammer Maugendre d'un espoir sans limite. Ensuite, ce fut Cédille, l'administrateur, le grand marchand de soie, qui voulut avoir une consultation d'une minute. Sa maison de commerce périclitait, toute sa fortune était liée à celle de l'universel, à ce point que la baisse possible devait être pour lui un écroulement. Et, anxieux, dévoré de sa passion, ayant d'autres ennuis du côté de son fils Gustave, qui ne réussissait guère chez Mazot, il éprouvait le besoin d'être rassuré, encouragé. D'une tape sur l'épaule, Saccard le renvoya, plein de foi et d'ardeur. Puis, il y eut tout un défilé. Kolb, le banquier, qui avait réalisé depuis longtemps, mais qui ménageait le hasard. Le marquis de Bohun, qui, avec sa condescendance hautaine de grand seigneur, affectait de fréquenter la bourse par curiosité et désœuvrement. Huré lui-même, incapable de rester fâché, trop souple pour n'être pas l'ami des gens jusqu'au jour de l'engloutissement final, venant voir s'il n'y avait plus rien à ramasser. Mais d'Aigremont parut. Tous s'écartèrent. Il était très puissant. On remarqua son amabilité, la façon dont il plaisanta, d'un air de camaraderie confiante. Les haussiers rayonnaient, car il avait la réputation d'un homme adroit, qui savait sortir des maisons au premier craquement des planchers, et il devenait certain que l'universel ne craquait pas encore. D'autres enfin circulaient, qui échangeaient simplement un coup d'œil avec Saccard, les hommes à lui, les employés chargés de donner les ordres, achetant aussi pour leur propre compte, dans la rage de jeu dont l'épidémie décimait le personnel de la rue de Londres, toujours aux aguets, l'oreille aux serrures, en chasse des renseignements. Ce fut ainsi que, deux fois, Sabatini passa, avec sa grâce molle d'italien matiné d'oriental, en affectant de ne pas même voir le patron. Tandis que Jean Trou, immobile à quelques pas, tournant le dos, semblait tout à la lecture des dépêches des bourses étrangères, affichées dans des cadres grillagés. Le remisier Massias, qui, toujours courant, bouscula le groupe, eut un petit signe de tête, pour rendre sans doute une réponse, quelques commissions vivement faites. Et, à mesure que l'heure de l'ouverture approchait, le piétinement sans fin, le double courant de foule sillonnant la salle, l'emplissait des secousses profondes et du retentissement d'une marée haute. On attendait le premier cours. À la corbeille, Mazot et Jacobi, sortant du cabinet des agents de change, venaient d'entrer, côte à côte, d'un air de correcte confraternité. Ils se savaient pourtant adversaires dans la lutte sans merci qui se livrait depuis des semaines et qui pouvait finir par la ruine de l'un d'eux. Mazot, petit, avec sa taille mince de joli homme, était d'une vivacité gaie, où se retrouvait sa chance si heureuse jusque-là, cette chance qu'il avait fait hériter à 32 ans de la charge d'un de ses oncles. Tandis que Jacobi, ancien fondé de pouvoir, devenu agent à l'ancienneté, grâce à des clients qui le commanditaient, avait le ventre épaissi et le pas lourd de ses 60 ans. Grand gaillard, grisonnant et chauve, étalant une large face de bon diable jouisseur. Et tous deux, leurs carnets à la main, causaient du beau temps, comme s'ils n'avaient pas tenu là, sur ces quelques feuilles, les millions qu'ils allaient échanger, ainsi que des coups de feu, dans la meurtrière mêlée de l'offre et de la demande. Une jolie gelée! Oh, imaginez-vous, je suis venu à pied tant c'était charmant! Arrivé devant la corbeille, le vaste bassin circulaire, encore net des papiers inutiles, des fiches qu'on y jette, ils s'arrêtèrent un instant, appuyés à la rampe de velours rouge qui l'entoure, continuant à se dire des choses banales et interrompues, tout en guettant de l'œil les alentours. Les quatre travées, en forme de croix, fermées par des grilles, sortes d'étoiles à quatre branches, ayant pour centre la corbeille, était le lieu sacré, interdit au public. Et, entre les branches, en avant, il y avait d'un côté un autre compartiment où se trouvaient les commis du comptant que dominaient les trois coteurs, assis sur de hautes chaises devant leurs immenses registres. Tandis que, de l'autre côté, un compartiment plus petit, ouvert celui-là, nommé la guitare à cause de sa forme sans doute, permettait aux employés et aux spéculateurs de se mettre en contact direct avec les agents. Derrière, dans l'angle formé par deux autres branches, se tenait, en pleine foule, le marché des rentes françaises, où chaque agent était représenté, ainsi qu'au marché du comptant, par un commis spécial, ayant son carnet distinct. Car les agents de change autour de la corbeille ne s'occupent exclusivement que des marchés à terme, tout entiers à la grande besogne effrénée du jeu. Mais, apercevant dans la travée de gauche son fondé de pouvoir Berthier qui lui faisait un signe, Mazot alla échanger avec lui quelques mots à demi-voix, les fondés de pouvoir n'ayant que le droit d'être dans les travées, à distance respectueuse de la rampe de velours rouge, qu'aucune main profane ne saurait toucher. Chaque jour, Mazot venait ainsi à la bourse avec Berthier et ses deux commis, celui du comptant et celui de la rente, auxquels se joignait le plus souvent le liquidateur de la charge, sans compter l'employé aux dépêches qui était toujours le petit Flory, la face de plus en plus enfouie dans son épaisse barbe, d'où ne sortait que l'éclat de ses yeux tendres. Depuis son gain de 10 000 francs au lendemain de sa doua, Flory, affolé par les exigences de Chuchu devenue capricieuse et dévorante, jouait éperdument à son compte, sans calcul aucun d'ailleurs, tout au jeu de sa carte qu'il suivait avec une foi aveugle. Les ordres qu'il connaissait, les télégrammes qui lui passaient par les mains, suffisaient à le guider. Et justement, comme il descendait en courant du télégraphe, installé au premier étage, les deux mains pleines de dépêches, il dut faire appeler par un garde Mazot, qui lâcha Berthier pour venir contre la guitare. « Monsieur, faut-il aujourd'hui les dépouiller et les classer ?»« Sans doute, si elles arrivent ainsi en masse. » Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Oh, de l'universel, des ordres d'achat, presque toutes. L'agent, d'une main exercée, feuilletait les dépêches, visiblement satisfait. Très engagé avec sa carte, qu'il reportait depuis toujours pour des sommes considérables, ayant encore reçu de lui, le matin même, des ordres d'achat énormes, il avait fini par être l'agent en titre de l'universel. Et, quoique sans grosse inquiétude jusque-là, cet engouement persistant du public, ces achats entêtés, malgré l'exagération des cours, le rassurait. Un nom le frappa, parmi les signataires des dépêches, celui de Fayeux, ce receveur de rente de Vendôme, qui devait s'être fait une clientèle extrêmement nombreuse de petits acheteurs, parmi les fermiers, les dévotes et les prêtres de sa province, car il ne se passait pas de semaine sans qu'il envoyât ainsi télégramme sur télégramme. « Donnez ça au comptant, » dit Mazot à Flory. « Et n'attendez pas qu'on vous descende les dépêches, n'est-ce pas? Restez là-haut, prenez-les vous-même. » Flory alla s'accouder à la balustrade du comptant, criant à haute voix. « Mazot! Mazot !» Et ce fut Gustave Sédi qui s'approcha. Car, à la bourse, les employés perdent leur nom, non plus que le nom de l'agent qu'ils représentent. Flory, lui aussi, s'appelait Mazot. Après avoir quitté la charge pendant près de 2 ans, Gustave venait d'y rentrer afin de décider son père à payer ses dettes. Et ce jour-là, en l'absence du commis principal, il se trouvait chargé du comptant, ce qui l'amusait. Flory s'étant penché à son oreille, tous deux convinrent de n'acheter pour Fayeux qu'au dernier cours, après avoir joué pour eux sur ses ordres, n'achetant et en revendant d'abord au nom de leur homme de paille habituel, de façon à toucher la différence, puisque la hausse leur semblait certaine. Cependant, Mazot revint vers la corbeille. Mais, à chaque pas, un garde lui remettait, de la part de quelques clients qui n'avaient pu s'approcher, une fiche où un ordre était griffonné au crayon. Chaque agent avait sa fiche particulière, d'une couleur spéciale. Rouge, jaune, bleu, verte, afin qu'on pût la reconnaître aisément. Celle de Mazot était verte, couleur de l'espérance. et les petits papiers verts continuaient à s'amasser entre ses doigts dans le continuel va-et-vient des gardes qui les prenaient au bout des travées de la main des employés et des spéculateurs, tous pourvus d'une provision de ses fiches, de façon à gagner du temps. Comme il s'arrêtait de nouveau devant la rampe de velours, il y retrouva Jacobi, qui, lui également, tenait une poignée de fiches, sans cesse grossies, des fiches rouges, d'un rouge frais de sang répandu. Sans doute des ordres de Gundermann et de ses fidèles, car personne n'ignorait que Jacobi, dans le massacre qui se préparait, était l'agent des Bessiers, le principal exécuteur des hautes œuvres de la banque juive. Et il causait maintenant avec un autre agent, Delaroque, son beau-frère, un chrétien qui avait épousé une juive, un gros homme roux et trapu, très chauve, lancé dans le monde des cercles, connu pour recevoir les ordres de d'Aigremont, lequel s'était fâché depuis peu avec Jacobi, comme autrefois avec Mazot. L'histoire que Delaroque racontait, une histoire grasse de femme rentrée chez son mari sans chemise, allumait ses petits yeux clignotants, tandis qu'il agitait, dans une mimique passionnée, son carnet, d'où débordait le paquet de ses fiches, bleues celles-ci, d'un bleu tendre de ciel d'avril. « Monsieur Mathias vous demande !» vint dire un garde à Mazot. Vivement, ce dernier retourna au bout de la travée. Le remisier, complètement à la solde de l'universel, lui apportait des nouvelles de la coulisse, qui fonctionnait déjà sous le péristyle, malgré la terrible gelée. Quelques spéculateurs se risquaient quand même, rentraient par moments se chauffer dans la salle, pendant que les coulissiers, au fond d'épais paletots, les collets de fourrure relevés, tenaient bon, en cercle comme d'habitude, au-dessous de l'horloge, s'animant, criant, gesticulant si fort qu'ils ne sentaient pas le froid. Et le petit Nathanson se montrait parmi les plus actifs, en train de devenir un gros monsieur, favorisé par la chance, depuis le jour où, simple petit employé démissionnaire du Crédit Immobilier, il avait eu l'idée de louer une chambre et d'ouvrir un guichet. D'une voix rapide, Mathias expliqua que, le cours ayant l'air de fléchir sous le paquet de valeurs dont les baissiers accablaient le marché, Cassard venait d'avoir l'idée d'opérer à la coulisse pour influer sur le premier cours officiel de la corbeille. L'universel avait clôturé la veille à 3 030 francs et il avait fait donner l'ordre à Nathanson d'acheter 100 titres qu'un autre coulissier devait offrir à 3 035 francs. C'était 5 francs de majoration. « Bon, le cours nous arrivera !» dit Mazot. Et il revint parmi le groupe des agents qui se trouvaient au complet. Les 60 étaient là, faisant déjà entre eux, malgré le règlement, les affaires au cours moyen en attendant le coup de cloche réglementaire. Les ordres donnés à un cours fixé d'avance n'influaient pas sur le marché puisqu'il fallait attendre ce cours. Tandis que les ordres, au mieux, ceux dont on laissait la libre exécution au flair de l'agent, déterminaient la continuelle oscillation des cotes différentes. Un bon agent était fait de finesse et de prescience, de cervelle prompte et de muscles agiles, car la rapidité assurait souvent le succès. Sans compter la nécessité des belles relations dans la haute banque, des renseignements ramassés un peu partout, des dépêches reçues des bourses françaises et étrangères, avant tout autre. Et il fallait encore une voix solide pour crier fort. Mais une heure sonna. La volée de la cloche passa en coup de vent sur la houle violente des têtes. Et la dernière vibration n'était pas éteinte que Jacobi, les deux mains appuyées sur le velours, jetait d'une voix mugissante, la plus forte de la compagnie. « J'ai de l'universel ! J'ai de l'universel ! À quel cours l'universel ?» demanda Mazot d'une voix mince, mais si aiguë qu'elle dominait celle de son collègue, comme un chant de flûte s'entend au-dessus d'un accompagnement de violoncelle. Et de la Roque proposa le cours de la veille. « À 3030, je prends l'universel. » Mais tout de suite, un autre agent renchérit. « À 3035, envoyez l'universel. » C'était le cours de la coulisse qui arrivait, empêchant l'arbitrage que Delaroque devait préparer. Un achat à la corbeille et une vente prompte à la coulisse pour empocher les 5 francs de hausse. Aussi, Mazot se décida-t-il, certain d'être approuvé par Saccard. « À 3040, je prends. Envoyez l'universel à 3040. »« Combien ?» dut demander Jacobi. « 300. » Tous deux écrivirent un bout de ligne sur leur carnet et le marché était conclu. Le premier cours se trouvait fixé avec une hausse de 10 francs sur le cours de la veille. Mazot se détacha, alla donner le chiffre à celui des coteurs qui avait l'universel sur son registre. Alors, pendant 20 minutes, ce fut une véritable écluse lâchée. Les cours des autres valeurs s'étaient également établis. Tout le paquet des affaires apportées par les agents se concluait sans grande variation. Et cependant, les coteurs, au perché, pris entre le vacarme de la corbeille et celui du comptant, qui fonctionnait fiévreusement lui aussi, avaient grand-peine à inscrire toutes les cotes nouvelles que venaient leur jeter les agents et les commis. En arrière, la rente également faisait rage. Depuis que le marché était ouvert, la foule ne ronflait plus seule avec le bruit continu des grandes eaux. Et, sur ce grondement formidable, s'élevaient maintenant les cris discordants de l'offre et de la demande. Un glapissement caractéristique qui montait et descendait, s'arrêtait pour reprendre en notes inégales et déchirées, ainsi que des appels d'oiseaux pillards dans la tempête. Saccard souriait, debout près de son pilier. Sa cour avait augmenté encore. La hausse de 10 francs sur l'universel venait d'émotionner la bourse, car on y pronostiquait depuis longtemps une débâcle pour le jour de la liquidation. Huret s'était rapproché avec Sédille et Kolb, en affectant de regretter tout haut sa prudence, qui lui avait fait vendre ses actions dès le cours de 2500. Tandis que d'Aigremont, l'air désintéressé, promenant à son bras le marquis de Bohun, lui expliquait gaiement la défaite de son écurie aux courses d'automne. Mais surtout, Maugendre triomphait, accablait le capitaine Chave, obstiné quand même dans son pessimisme, disant qu'il fallait attendre la fin. Et la même scène se reproduisait entre Pillerot vantard et Mosé mélancolique, l'un radieux de cette folie de la hausse, l'autre serrant les poings, parlant de cette hausse têtue, imbécile, comme d'une bête enragée qu'on finirait pourtant bien par abattre. Une heure se passa. Les cours restaient à peu près les mêmes, les affaires continuaient à la corbeille, moins de rues, au fur et à mesure que les ordres nouveaux et les dépêches les apportaient. Il y avait ainsi, vers le milieu de chaque bourse, une sorte de ralentissement, l'accalmie des transactions courantes, en attendant la lutte décisive du dernier cours. Pourtant, on entendait toujours le mugissement de Jacobi, que coupaient les notes aiguës de Mazot, engagés l'un et l'autre dans des opérations à prime. « J'ai de l'universel à 3040, dont 15 !» Je prends de l'universel à 3040, dont 10. Combien ? 25. Envoyez. » Ce devait être des ordres de failleux que Mazot exécutait, car beaucoup de joueurs de province, pour limiter leurs pertes, avant d'oser se lancer dans le ferme, achetaient et vendaient à prime. Puis, brusquement, une rumeur courut. Des voix saccadées s'élevèrent. L'universel venait de baisser de 5 francs. Et coup sur coup, elle baissa de 10 francs, de 15 francs. Elle tomba à 3025. Justement, à ce moment-là, Jean Trou, qui avait reparu après une courte absence, disait à l'oreille de Saccard que la baronne Sandorff était là, rue Brognard, dans son coupé, et qu'elle lui faisait demander s'il fallait vendre. Et cette question, tombant au moment où les cours fléchissaient, l'exaspéra. Il revoyait le cocher immobile au perché sur le siège, la baronne consultant son carnet, comme chez elle, glace close. Et il répondit « Qu'elle me fiche la paix, et si elle vend, je l'étrangle !» Massias accourait à l'annonce des 15 francs de baisse, ainsi qu'à un appel d'alarme, sentant bien qu'il allait être nécessaire. En effet, Saccard, qui avait préparé un coup pour enlever le dernier cours, une dépêche qu'on devait envoyer de la Bourse de Lyon, où la hausse était certaine, commençait à s'inquiéter en ne voyant pas arriver la dépêche. Et cette dégringolade de 15 francs, imprévue, pouvait amener un désastre. Habilement, Massias ne s'arrêta pas devant lui, le heurta du coude, puis reçut son ordre, l'oreille tendue. « Vite, à Nathanson, 400, 500, ce qu'il faudra !» Cela s'était fait si rapidement que Pillerault et Mosé seuls s'en aperçurent. Ils se lancèrent sur les pas de Massias pour savoir. Massias, depuis qu'il était à la solde de l'universel, avait pris une importance énorme. On tâchait de le confesser, de lire par-dessus son épaule les ordres qu'il recevait. Et lui-même, maintenant, réalisait des gains superbes. Avec sa bonhomie souriante de malchanceux, que la fortune avait rudement traité jusque-là, il s'étonnait, il déclarait supportable cette vie de chien de la bourse, où il ne disait plus qu'il fallait être juif pour réussir. À la coulisse, dans le courant d'air glacé du péristyle que le pâle soleil de 3 heures ne chauffait guère, l'universel avait baissé moins rapidement qu'à la corbeille, et Nathanson, averti par ses courtiers, venait de réaliser l'arbitrage que n'avait pu réussir de la Roque au début. Acheteur dans la salle à 3025, il avait revendu sous la colonnade 3035. Cela n'avait pas demandé 3 minutes, et il gagnait 60 000 francs. Déjà, l'achat faisait, à la corbeille, remonter la valeur à 3030, par cet effet d'équilibre que les deux marchés, le légal et le toléré, exercent l'un sur l'autre. Un galop de commis ne cessait pas, de la salle au péristyle, jouant des coudes à travers la cohue. Pourtant, le cours de la coulisse allait fléchir. Lorsque l'ordre que Massias apportait à Nathanson le soutint à 3035, le haussa à 3040. Tandis que, par contre-coup, la valeur retrouvait aussi, au parquet, son premier cours. Mais il était difficile de l'y maintenir, car la tactique de Jacobi et des autres agents, opérant au nom des baissiers, était évidemment, de réserver les grosses ventes pour la fin de la bourse, afin d'en écraser le marché et d'amener un effondrement dans le désarroi de la dernière demi-heure. Saccard comprit si bien le péril que, d'un signe convenu, il avertit Sabatani, en train de fumer une cigarette à quelques pas, de son air détaché et alangui de ma femme. Et tout de suite, se faufilant avec une souplesse de couleuvre, ce dernier se rendit dans la guitare, où, l'oreille aux aguets, suivant les cours, il ne s'arrêta plus d'envoyer à Mazot des ordres sur des fiches vertes dont il avait une provision. Malgré tout, l'attaque était si rude que l'universel, de nouveau, baissa de 5 francs. Les 3/4 sonnèrent. Il n'y avait plus qu'un quart d'heure avant le coup de cloche de la fermeture. À ce moment, la foule tournoyait et criait, comme flagellée par quelque tourment d'enfer. La corbeille aboyait, hurlait, avec des retentissements fêlés de chaudonnerie qu'on brise. Et ce fut alors que se produisit l'incident si anxieusement attendu par Saccard. Le petit Flory, qui, depuis le commencement, n'avait cessé de descendre du télégraphe toutes les 10 minutes, les mains pleines de dépêches, reparut encore, fendant la foule, lisant cette fois un télégramme dont il semblait enchanté. « Mazot ! Mazot ! » appela une voix. Et Flory, naturellement, tourna la tête, comme s'il eût répondu à l'appel de son propre nom. C'était Jean Trou qui voulait savoir. Mais le commis le bouscula, trop pressé, tout à la joie de se dire que l'universel finirait en hausse, car la dépêche annonçait que la valeur montait à la bourse de Lyon, où des achats s'étaient produits si importants que le contre-coup allait se ressentir à la bourse de Paris. En effet, d'autres télégrammes arrivaient déjà. Un grand nombre d'agents recevaient des ordres. Le résultat fut immédiat et considérable. « À 3040, je prends l'universel !» répétait Mazot de sa voix exaspérée de chanterelle. Et Delaroque, débordé par la demande, renchérissait de 5 francs. « À 3045, je prends !»« J'ai à 3045 !» mugissait Jacobi. « 200 à 3045 !»« Envoyez !» Alors Mazot monta lui-même. « Je prends à 3050. »« Combien ?»« 500. Envoyez. » Mais l'effroyable vacarme devenait tel au milieu d'une gesticulation épileptique que les agents eux-mêmes ne s'entendaient plus. Et, tout à la fureur professionnelle qui les agitait, ils continuèrent par gestes, puisque les basses caverneuses des uns avortaient, tandis que les flûtes des autres s'amincissaient jusqu'au néant. On voyait s'ouvrir les bouches énormes, sans qu'un bruit distinct parût en sortir, et les mains seules parlaient. Un geste du dedans en dehors qui offrait, un autre geste du dehors en dedans qui acceptait. Les doigts levés indiquaient les quantités, les têtes disaient oui ou non d'un signe. C'était intelligible aux seuls initiés, comme un de ces coups de démence qui frappent les foules. En haut, à la galerie du télégraphe, des têtes de femmes se penchaient, stupéfiées, épouvantées, devant l'extraordinaire spectacle. À la rente, on aurait dit une rixe, un paquet central acharné et faisant le coup de poing, tandis que le double courant du public, dont ce côté de la salle était traversé, déplaçait les groupes, déformés et reformés sans cesse en de continuels remous. Entre le content et la corbeille, au-dessus de la tempête déchaînée des têtes, il n'y avait plus que les 3 coteurs assis sur leur haute chaise qui surnageaient ainsi que des épaves, avec la grande tache blanche de leur registre, tiraillés à gauche, tiraillés à droite, par la fluctuation rapide des cours qu'on leur jetait. Dans le compartiment du content surtout, la bousculade était à son comble. Une masse compacte de chevelures, pas même de visage. Un grouillement sombre qu'éclairaient seulement les petites notes claires des carnets agités en l'air. Et à la corbeille, autour du bassin que les fiches froissées emplissaient maintenant d'une floraison de toutes les couleurs, des cheveux grisonnaient, des crânes luisaient. On distinguait la pâleur des faces secouées, des mains tendues fébrilement. Toute la mimique dansante des corps plus au large, comme près de se dévorer si la rampe ne les eût retenus. Cet enragement des dernières minutes avait d'ailleurs gagné le public. On s'écrasait dans la salle. Un piétinement énorme, une débandade de grands troupeaux lâchés dans un couloir trop étroit. Et seul, au milieu de l'effacement des redingotes, les chapeaux de soie miroitaient sous la lumière diffuse qui tombait du vitrage. Mais, brusquement, une volée de cloches perça le tumulte. Tout se calma. Les gestes s'arrêtèrent, les voix se turent, au comptant, à la ronde, à la corbeille. Il ne restait que le grondement sourd du public, pareil à la voix continue d'un torrent rentré dans son lit, qui achève de s'écouler. Et, dans l'agitation persistante, les derniers cours circulaient. L'universel était monté à 3060, en hausse encore de 30 francs sur le cours de la veille. La déroute des baissiers était complète. La liquidation allait une fois de plus être désastreuse pour eux, car les différences de la quinzaine se solderaient par des sommes considérables. Un instant, Saccard, avant de quitter la salle, se haussa comme pour mieux embrasser la foule autour de lui d'un coup d'œil. Il était réellement grandi, soulevé d'un tel triomphe, que toute sa petite personne se gonflait, s'allongeait, devenait énorme. Celui qu'il semblait ainsi chercher par-dessus les têtes, c'était Gundermann absent. Gundermann qu'il aurait voulu voir abattu, grimaçant, demandant grâce. Et il tenait au moins à ce que toutes les créatures inconnues du juif, toute la sale juiverie qui se trouvait là, hargneuse, le vit lui-même transfiguré dans la gloire de son succès. Ce fut sa grande journée, celle dont on parle encore, comme on parle d'Austerlitz et de Marengo. Ses clients, ses amis s'étaient précipités. Le marquis de Bohun, Sédille, Kolb, Huré lui serraient les deux mains, tandis que d'Aigremont, avec le sourire faux de son amabilité mondaine, le complimentait, sachant bien qu'on meurt à la bourse de pareilles victoires. Maugendre l'aurait embrassé sur les deux joues, exalté, exaspéré en voyant le capitaine Chave hausser quand même les épaules. Mais l'adoration complète, religieuse, était celle de Dejoie, qui, venu du journal en courant pour connaître tout de suite le dernier cours, restait à quelques pas, immobile, cloué par la tendresse et l'admiration, les yeux luisants de larmes. Gentrou avait disparu, portant sans doute la nouvelle à la baronne Sandorf. Massias et Sabatani soufflaient, rayonnant, comme au soir triomphal d'une grande bataille. « Eh bien, qu'est-ce que je disais ?» criait Pierrot ravi. Mosé, le nez allongé, grognait de sourdes menaces. « Oui, oui, au bout du fossé, la culbute, la carte du Mexique à payer, les affaires de Rome qui s'embrouillent encore depuis Montana. » L'Allemagne qui va tomber sur nous un de ces quatre matins. Eh oui, et ces imbéciles qui montent encore pour culbuter le plus haut. Ah, tout est bien fichu, vous verrez. Puis, comme Salmon, cette fois, demeurait grave en le regardant, c'est votre avis, n'est-ce pas? Quand tout marche trop bien, c'est que tout va craquer. Cependant, la salle se vidait. Il n'allait y rester en l'air que la fumée des cigares, une nuée bleuâtre, épaissie et jaunie de toutes les poussières envolées. Mazot et Jacobi, redevenus corrects, étaient rentrés ensemble dans le cabinet des agents de change. Le second, plus ému par de secrètes pertes personnelles que par la défaite de ses clients. Tandis que le premier, qui ne jouait pas, était tout à la joie du dernier cours, si vaillamment enlevé. Ils causèrent quelques minutes avec Delaroque pour des échanges d'engagements, tenant à la main leur carnet plein de notes que leur liquidateur devait dépouiller dès le soir afin d'appliquer les affaires faites. Pendant ce temps, dans la salle des commis, une salle basse coupée de gros piliers, pareille à une classe mal tenue, avec des rangées de pupitres et un vestiaire tout au fond, Florie et Gustave Sédille, qui étaient allés chercher leur chapeau, s'égayaient bruyamment en attendant de connaître le cours moyen que les employés du syndicat à un des pupitres établissaient d'après le cours le plus haut et le cours le plus bas. Vers 3h30, lorsque l'affiche eut été collée sur un pilier, tous deux hennirent, gloussèrent, imitèrent le chant du coq, dans le contentement de la belle opération qu'ils avaient réalisée en trafiquant sur les ordres d'achat de Fayeux. C'était une paire de solitaires pour Chuchu, qui tyrannisait maintenant Florie de ses exigences, et un semestre d'avance pour Germaine Coeur, que Gustave avait fait la bêtise d'enlever définitivement à Jacobi, lequel venait de prendre au mois une écuyère de l'hippodrome. D'ailleurs, le vacarme continuait dans la salle des commis. Des farces ineptes, un massacre des chapeaux, au milieu d'une bousculade d'écoliers en récréation. Et d'autre part, sous le péristyle, la coulisse finissait de bâcler des affaires. Nathanson se décidait à descendre les marches, enchanté de son arbitrage, parmi le flot des derniers spéculateurs qui s'attardaient, malgré le froid devenu terrible. Dès 6 heures, tout ce monde de joueurs, d'agents de change, de coulissiers et de remisiers, après avoir les uns établi leurs gains ou leurs pertes, les autres arrêté leurs notes de courtage, allaient se mettre en habit pour finir d'étourdir leur journée, avec leur notion pervertie de l'argent, dans les restaurants et les théâtres, les soirées mondaines et les alcôves galantes. Ce soir-là, Paris, qui veille et qui s'amuse, ne parla que du duel formidable engagé entre Gundermann et Saccard. Les femmes, tout entières au jeu par passion et par mode, affectaient de se servir des mots techniques de liquidation, prime, report, déport, sans toujours les comprendre. On causait surtout de la position critique des baissiers, qui, depuis tant de mois, payaient à chaque liquidation nouvelle, des différences de plus en plus fortes, à mesure que l'universel montait, dépassant toute limite raisonnable. Certainement, beaucoup jouaient à découvert et se faisaient reporter, ne pouvant livrer les titres. Ils s'acharnaient, continuaient leurs opérations à la baisse, avec l'espoir d'une débâcle prochaine des actions. Mais, malgré les reports qui tendaient à s'élever, d'autant plus que l'argent se faisait plus rare, les baissiers, épuisés, écrasés, allaient être anéantis si la hausse continuait. À la vérité, la situation de Gundermann, du chef tout-puissant qu'on leur donnait, était différente, car lui avait dans ses caves 100 milliards d'inépuisables troupes qu'il envoyait au massacre, si longue et meurtrière que fut la campagne. C'était l'invincible force, pouvoir rester vendeur à découvert, avec la certitude de toujours payer ses différences, jusqu'au jour où la baisse fatale lui donnerait la victoire. Et l'on causait. On calculait les sommes considérables qu'il devait déjà avoir englouties, à faire avancer ainsi le 15 et le 30 de chaque mois, pareils à des rangées de soldats que les boulets emportent, des sacs d'écus qui fondaient au feu de la spéculation. Jamais encore il n'avait subi, en bourse, une si rude attaque à sa puissance, qu'il y voulait souveraine, indiscutable. Car s'il était, comme il aimait à le répéter, un simple marchand d'argent et non un joueur, il avait la nette conscience que, pour rester ce marchand, le premier du monde, disposant de la fortune publique, il lui fallait être le maître absolu du marché. Et il se battait, non pour le gain immédiat, mais pour sa royauté elle-même, pour sa vie. De là, l'obstination froide, la farouche grandeur de la lutte. On le rencontrait sur les boulevards, le long de la rue Vivienne, avec sa face blême et impassible, son pas de vieillard épuisé, sans que rien en lui décelât la moindre inquiétude. Il ne croyait qu'à la logique. Au-dessus du cours de 2 000 francs, la folie commençait pour les actions de l'universel. À 3 000, c'était la démence pure. Elle devait retomber, comme la pierre lancée en l'air retombe forcément. Et il attendait. Irait-il jusqu'au bout de son milliard ? On frémissait d'admiration autour de Gundermann, du désir aussi de le voir enfin dévorer. tandis que Saccar, qui soulevait un enthousiasme plus tumultueux, avait pour lui les femmes, les salons, tout le beau monde des joueurs, lesquels empochaient de si belles différences depuis qu'ils battaient monnaie avec leur foi en trafiquant sur le mont Carmel et sur Jérusalem. La ruine prochaine de la haute banque juive était décrétée. Le catholicisme allait avoir l'empire de l'argent, comme il avait eu celui des âmes. Seulement, si ses troupes gagnaient gros, Saccar se trouvait à bout d'argent, vidant ses caisses pour ses continuels achats. De 200 millions disponibles, près des deux tiers venaient d'être ainsi immobilisés. C'était la prospérité trop grande, le triomphe asphyxiant dont on étouffe. Toute société qui veut être maîtresse à la bourse pour maintenir le cours de ses actions est une société condamnée. Aussi, dans les commencements, n'était-il intervenu qu'avec prudence. Mais il avait toujours été l'homme d'imagination, voyant trop grand, transformant en poème ses trafics louches d'aventuriers. Et cette fois, avec cette affaire réellement colossale et prospère, il en arrivait à des rêves extravagants de conquête, à une idée si folle, si énorme, qu'il ne se la formulait même pas nettement à lui-même. S'il avait eu des millions toujours, comme ces sales juifs. Le pis était qu'il voyait la fin de ses troupes, encore quelques millions bons pour le massacre. Puis, si la baisse venait, ce serait son tour de payer des différences. Et lui, ne pouvant lever les titres, serait bien forcé de se faire reporter. Dans sa victoire, le moindre gravier devait culbuter sa vaste machine. On en avait la sourde conscience, même parmi les fidèles, ceux qui croyaient à la hausse comme au bon Dieu. C'était ce qui achevait de passionner Paris, la confusion et le doute où l'on s'agitait, ce duel de Saccar et de Gundermann dans lequel le vainqueur perdait tout son sang, dans ce corps à corps des deux monstres légendaires, écrasant entre eux les pauvres diables qui se risquaient à jouer leur jeu, menaçant de s'étrangler l'un l'autre sur le monceau des ruines qu'ils entassaient.